Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 24. Les voyageurs Jésus, Marie et Joseph, après quelques détours dans le désert, arrivent à la ville d'Héliopolis, grande merveille qui y furent opérées. J'ai dit dans un des chapitres précédents que la fuite du Verbe incarné eut d'autres mystères et d'autres fins plus relevées que de s'éloigner d'Hérode pour éviter les effets de sa colère, car ce fut plutôt un moyen que le Seigneur prit pour s'en aller en Égypte et y opérer les merveilles qu'il y fit, et dont les anciens prophètes avaient parlé, Ézéchiel 30, 13, Osée 2, 1. Notamment Isaïe, lorsqu'il dit, 19, 1, que le Seigneur montrait sur un nuage léger, qu'il entrerait dans l'Égypte, que les idoles d'Égypte seraient ébranlées devant sa face, et que le cœur des Égyptiens se troublerait au milieu d'elles, et plusieurs autres choses que cette prophétie renferme, et qui arrivèrent au temps de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais laissant ceux qui n'entrent pas dans mon dessein, je dis que Jésus, Marie et Joseph, poursuivant leur voyage en la manière que j'ai racontée, parvinrent après plusieurs journées de marche aux endroits habités de l'Égypte. Et pour se rendre à Héliopolis, où ils devaient demeurer, les anges les conduisirent, le Seigneur leur donnant de la sorte, par quelques détours, afin qu'ils passassent auparavant dans plusieurs autres lieux où Sa Majesté voulait opérer des merveilles et des bienfaits, dont ils devaient enrichir l'Égypte. C'est ainsi qu'ils employèrent plus de 50 jours dans leur voyage, et qu'ils firent, depuis leur départ de Jérusalem, plus de 200 lieues, quoiqu'ils eussent pu arriver en moins de temps à Héliopolis, s'ils eussent suivi la route la plus directe. Les Égyptiens étaient fort enclins à l'idolâtrie et aux superstitions qui l'accompagnent ordinairement, de sorte que les plus petits endroits de cette province étaient remplis d'idoles. Il y en avait beaucoup qui avaient leur temple, dans lesquels plusieurs démons se trouvaient, et les malheureux habitants y allaient pour les adorer par des sacrifices et des cérémonies prescrites par les mêmes démons, qui répondaient à leurs demandes par des oracles auxquels ce peuple stupide et superstitieux se soumettait aveuglément. Il était si adonné à l'adoration du démon et si aveuglé par toutes ces tromperies, qu'il ne fallait pas moins que le puissant bras du Seigneur, Luc 1, 51, Isaïe 51, 9, qui est le Verbe incarné, pour le ramener de son égarement et le retirer de l'oppression dans laquelle Lucifer le tenait, oppression beaucoup plus cruelle que celle que les Égyptiens eux-mêmes avaient fait peser sur le peuple de Dieu, Exode 1, 11 et suivant, pour remporter cette victoire sur le démon, et illuminer ceux qui demeuraient dans la région et dans l'ombre de la mort, Luc 1, 79, et afin que ce peuple vit cette grande lumière dont Isaïe fait mention, 9, 2, le Très-Haut détermina que le soleil de justice, Malachie 4, 2, Jésus-Christ, paraîtrait peu de temps après sa naissance en Égypte entre les bras de sa bienheureuse mère, et qu'il parcourrait ce pays pour l'éclairer des rayons de sa divine lumière. Or l'enfant Jésus arriva avec sa mère et Saint Joseph aux endroits habités de l'Égypte, et lorsque le divin enfant, porté sur les bras de l'Auguste Marie, entrait dans une bourgade, il levait les yeux au ciel, et, les mains jointes, priait le Père éternel, et lui demandait le salut de ses habitants esclaves du démon. Et usant aussitôt de sa puissance divine sur ces malins esprits qui animaient les idoles, il les précipitait dans les ténébreux abîmes, de sorte qu'ils tombaient avec la rapidité de la foudre dans les dernières profondeurs des cavernes infernales. Au même instant, les idoles, les temples, Les autels de l'idolâtrie s'écroulaient avec fracas. La cause de ces prodigieux effets était connue à notre divine dame, qui accompagnait par ses prières celle de son très saint fils, comme coopératrice universelle du salut du genre humain. Saint Joseph découvrait aussi que toutes ces merveilles venaient du Verbe incarné, et rempli d'une sainte admiration, il en louait et l'en bénissait. Mais quoique les démons sentissent la force du pouvoir de Dieu, ils ne savaient pourtant pas d'où sortait une telle vertu. Les Égyptiens s'étonnaient d'une nouveauté si surprenante, quoiqu'il circulât parmi les plus savants d'entre eux une tradition, transmise par les anciens depuis l'époque où Jérémie avait été en Égypte, et portant qu'un roi des Juifs viendrait dans le pays, et que les temples des idoles égyptiennes seraient détruits. Mais le peuple et les savants ignoraient comment la chose devait arriver, ainsi la crainte leur fut commune, car ils se troublèrent tous, selon la prophétie d'Isaïe 9:1. Dans ce trouble ils s'interrogeaient les uns les autres, et il y en eut qui, poussés par un certain esprit de curiosité de voir des étrangers, allèrent trouver notre grande reine et Saint Joseph, et s'entretinrent avec eux de la ruine de leur temple, et de la chute des dieux qu'ils adoraient. La mère de la sagesse, prenant de là occasion de les instruire, commença à les détromper en leur faisant connaître le véritable Dieu, et en leur faisant voir qu'il était le seul créateur du ciel et de la terre, Ecclésiastique 1:8, et que lui seul devait être adoré et reconnu pour Dieu, Isaïe 37:16, Deutéronome 6, que les autres étaient faux, qu'ils ne se distinguaient point du bois, de la terre, ou des métaux dont ils étaient formés, qu'ils n'avaient ni yeux, ni oreilles, ni aucun pouvoir, que les mêmes artisans qui les avaient faits, ou tout autre homme que ce fût, pouvaient les détruire, Baruch 6, 47 etc., Psaume 113, 4. Parce qu'ils étaient eux-mêmes et plus nobles et plus puissants que ces ouvrages de leurs mains, que les réponses qu'ils en obtenaient venaient des démons, qui habitaient dans ces idoles pour les tromper, et que toutes ces fausses divinités ne sauraient avoir une vertu véritable, parce que Dieu seul était vérité. Les paroles de notre divine dame étaient si douces, si éloquentes et si efficaces, ses manières si aimables, et les effets de ses entretiens si salutaires, que le bruit de l'arrivée de nos saints voyageurs se répandait, et faisait qu'on s'empressait de les venir voir. Et comme la prière du Verbe incarné opérait en faveur des Égyptiens, et qu'elle leur obtenait de très grandes grâces, cela joint à la ruine des idoles, leur causait une émotion incroyable, et changeait les cœurs, au point qu'on voyait beaucoup de gens se convertir à la connaissance du vrai Dieu, et faire pénitence de leurs péchés, sans savoir d'où leur venait un changement si avantageux. Jésus et Marie passèrent par plusieurs bourgs de l'Égypte, et ils faisaient partout des merveilles, chassant les démons, non seulement des idoles, mais aussi de plusieurs corps, guérissant un grand nombre de malades, éclairant les cœurs de diverses personnes, et notre auguste princesse et Saint Joseph enseignaient le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Par ces bienfaits temporels, qui touchent ordinairement le peuple ignorant et grossier, plusieurs étaient attirés à aller ouïr les instructions de salut. Ils arrivèrent à la ville d'Hermopolis, située vers la Thébaïde, et appelée par plusieurs villes de Mercure. On y adorait beaucoup d'idoles, où se trouvaient des démons fort puissants, et en particulier un, qui résidait dans un arbre à l'entrée de la ville car les habitants l'ayant révéré à cause de sa grandeur et de sa beauté. Le démon prit de la occasion de s'approprier ce culte et d'y établir son siège. Et lorsque le Verbe humanisé y parut, Non seulement le démon l'abandonna et fut précipité au fond de l'abîme, mais l'arbre se baissa jusqu'à terre, comme pour reconnaître le bonheur de son sort. Les créatures insensibles nous apprenant combien l'empire de cet ennemi est tyrannique. Ce miraculeux respect des arbres se manifesta diverses fois sur les chemins par où leur créateur passait, et quoiqu'on n'ait pas fait mention de tous ces prodiges, on a pourtant conservé longtemps la mémoire de celui-ci, parce qu'à la suite de ce miracle les feuilles et les fruits de ce même arbre guérissaient plusieurs maladies. Quelques auteurs ont fait mention de cette merveille, comme aussi de plusieurs autres dont furent témoins les villes par où le Verbe incarné et sa très sainte majesté passaient pour se rendre au lieu de leur séjour, comme d'une fontaine, qui est proche du Caire, où notre grande reine alla puiser de l'eau, qu'elle est le divin enfant pur et dont elle se servit pour laver ses langes, car tout cela est réellement arrivé. La tradition et la vénération de ces merveilles ayant duré jusqu'à présent, non seulement parmi les fidèles qui visitent les saints lieux, mais même parmi les infidèles, qui reçoivent quelquefois en y allant des faveurs temporelles de la main du Sauveur, soit pour mieux justifier sa cause envers eux, soit afin qu'on en conserve la mémoire. On sait qu'il y a encore d'autres endroits où les divins voyageurs se sont arrêtés et où ils ont opéré de grands miracles, mais il n'est pas nécessaire de les raconter ici, parce que le séjour le plus long qu'ils firent en Égypte fut à Héliopolis, qui n'a pas été appelée ville du soleil sans mystère, et qu'on nomme aujourd'hui le Grand Caire. En écrivant ces merveilles, je demandais avec admiration à notre auguste princesse comment elle avait pu passer avec l'enfant Dieu par tant d'endroits inconnus, parce qu'il me semblait que tous ces détours avaient dû augmenter ses peines et ses fatigues. Sur quoi elle me répondit, « Vous ne devez pas être surprise de ce que mon très saint fils et moi traversâmes tant de pays étrangers pour gagner un si grand nombre d'âmes, puisque pour une seule, nous eussions parcouru toute la terre s'il n'y eût pas eu d'autre remède. Mais si ce que ces saints voyageurs ont fait pour le salut du genre humain nous paraît beaucoup, c'est parce que nous ignorons la force de l'amour immense qu'ils nous ont porté, et que nous ne savons pas non plus assez aimer pour reconnaître un tel bienfait. » Lucifer fut fort troublé de voir précipiter tant de démons dans l'enfer par une nouvelle vertu à leur égard, et, enflammé de fureur, il vint sur la terre pour y découvrir la cause de cette nouveauté. Il passa par tous les endroits de l'Égypte où les temples, les autels et les idoles avaient été renversés, et étant arrivé à Héliopolis, qui était une plus grande ville, et où par conséquent la ruine de son empire avait été plus notable, il tâcha d'examiner avec beaucoup d'attention toutes les personnes qui l'habitaient. Et il n'y remarqua rien dont il pût se préoccuper, sinon que la très pure Marie était arrivée, car il ne fit aucun cas de l'enfant Jésus, le regardant comme les autres enfants sans nulle différence, parce qu'il ne le connaissait point. Mais comme il avait été si souvent vaincu par les vertus et par la sainteté de la prudente mère et vierge, il conçut de nouvelles craintes, quoiqu'il ne la crût pas assez puissante pour lui avoir causé un si grand dommage. Il résolut cependant de la persécuter de nouveau, et de se servir pour ce dessein de ses ministres d'iniquité. Il retourna aussitôt dans l'enfer, et ayant convoqué un conciliabule de princes des ténèbres, il leur apprit la ruine des idoles et des temples d'Égypte, car quand les démons en sortirent, ils furent précipités par le pouvoir divin d'une manière si subite, si ignominieuse et si pénible, qu'ils ne s'aperçurent pas de ce qui arrivait aux idoles et aux autres lieux qu'ils abandonnaient. Mais Lucifer les ayant informés de tout ce qui se passait, et que son empire allait être détruit dans toute l'Égypte, Il leur dit qu'il ne comprenait point la cause de sa ruine, parce qu'il n'avait trouvé dans tout ce pays que la femme son ennemie. C'est ainsi que le dragon appelait l'auguste Marie, et qu'il ne croyait point que sa vertu, quoiqu'il la connût extraordinaire, fut assez forte pour produire des effets tels qu'il venait d'éprouver dans cette occasion, qu'il déterminait néanmoins de lui faire une nouvelle guerre, et qu'ils devaient tous s'y préparer. Les ministres de Lucifer répondirent qu'ils étaient prêts à lui obéir, et voulant le consoler dans son furieux désespoir, ils lui promirent la victoire, comme si leurs forces eussent pu s'égaler à leur présomption. Isaïe 16, 6. Plusieurs légions sortirent ensemble de l'enfer, et allèrent en Égypte, où la reine du ciel se trouvait, se persuadant que s'ils la vainquaient ils répareraient leur perte par ce seul triomphe, et recouvreraient tout ce que le pouvoir de Dieu leur avait ôté dans ce misérable royaume, parce qu'ils soupçonnaient qu'elle était l'instrument dont Dieu se servait pour opérer ses merveilles. Or, comme ils voulurent s'en approcher pour la tenter selon leurs intentions diaboliques, ils furent bien surpris de se voir dans l'impossibilité de le faire, et forcés de s'arrêter à une distance de plus de 2000 pas, parce qu'une vertu divine les empêchait secrètement de s'avancer, et leur faisait en même temps sentir qu'elle venait de l'endroit où notre auguste princesse se trouvait. Et quoique Lucifer et les autres ennemis s'obstinassent à poursuivre leur dessein, ils étaient toujours plus affaiblis et comme arrêtés par de très fortes chaînes, dans lesquelles ils se démenaient sans pouvoir aller où était cette invincible dame, qui voyait tout cela par la puissance du même Dieu qu'elle portait dans ses bras. Mais Lucifer, s'obstinant dans cette lutte inégale, fut soudainement précipité cette fois encore, avec tous ses ministres d'iniquité, dans les profondeurs de l'abîme. Cette nouvelle défaite, si humiliante, tourmenta et inquiéta vivement le dragon, et comme cela lui était arrivé plusieurs fois depuis l'incarnation, ainsi que nous l'avons dit, il se demanda si le Messie n'était pas venu au monde. Mais comme le mystère lui était caché, et qu'il supposait que le Messie apparaîtrait avec éclat, il restait dans sa perplexité, et cette incertitude le remplissait de fureur de sorte que plus il s'acharnait à découvrir la cause de sa douleur, plus elle lui échappait, et moins il la trouvait. Instruction que je reçus de l'auguste reine du ciel. Ma fille, les âmes fidèles et amies de mon très saint fils reçoivent une grande consolation et un bien au-dessus de tout autre bien, lorsqu'elles considèrent avec une vive foi qu'elles servent un Seigneur qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, celui qui règne seul avec un empire absolu sur tout ce qui est créé, et qui triomphe de ses ennemis. Timothée 6, 15, 16, l'entendement se plaît en cette vérité, la mémoire s'y récrée, la volonté y puise mille délices, et toutes les facultés de l'âme dévote s'abandonnent sans crainte à la douceur qu'elles ressentent dans de si nobles opérations, et ne cessent de contempler cet objet de bonté, de sainteté et d'un pouvoir infini, qui n'a besoin de personne. Marc 14, 35, et de la volonté duquel tout l'univers dépend, Apocalypse 4, 11. Oh de combien de trésors se privent les créatures lorsque, oubliant leur propre félicité, elles emploient tout le temps de la vie et toute leur puissance à rechercher les choses visibles, passagères, apparentes et trompeuses. Je voudrais, ma fille, que vous vous retirassiez de ce danger par le secours de la lumière que vous avez, et que votre entendement et votre mémoire fussent toujours occupés de la vérité de l'être de Dieu. Abîmez-vous dans cette mer immense, en redisant sans cesse, qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui habite les lieux les plus élevés, et qui regarde les humbles dans le ciel et sur la terre, psaume 112, 5, qui est semblable à celui qui est tout-puissant et qui ne dépend de personne, qui humilie les superbes, et qui abat ceux que le monde aveugle appelle puissants, qui triomphe du démon, et qui le précipite jusque dans le plus profond des enfers. Et afin que vous puissiez mieux faire entrer ces vérités dans votre cœur, et vous assurer par leurs moyens un plus grand avantage sur les ennemis du Très-Haut, qui sont aussi les vôtres, je veux que vous m'imitiez, autant qu'il vous sera possible, en vous glorifiant dans les victoires de son puissant bras, et en tâchant de prendre quelque part à celle qu'il veut toujours remporter sur ce cruel dragon. Les hommes ni même les anges ne sauraient exprimer ce que mon âme ressentait lorsque je voyais que mon très saint fils opérait entre mes bras tant de merveilles contre ses ennemis et en faveur de ces âmes aveuglées et tyrannisées par leurs erreurs, et que le nom du Très-Haut était ainsi publié et de plus en plus exalté par son Verbe fait chair. Dans cette joie mon âme magnifiait le Seigneur, et je faisais avec mon adorable fils de nouveaux cantiques de louanges, en tant que sa mère et en tant qu'épouse du Saint-Esprit. Vous êtes fille de la Sainte Église, épouse de mon très béni fils, et enrichie de sa grâce, il est juste que vous travailliez avec ardeur, avec zèle, à lui procurer cette gloire en combattant vaillamment contre ses ennemis, afin que votre époux obtienne de nouveaux triomphes. Extrait du livre 4e, tome 3, Pusielge Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.